Let's look now at the other construction. Il n'y a pas de. There isn't any. There aren't any. There's no, or there are no. Écoutez et répétez. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de réservation pour vous. Once again, replace the word réservation with the prompted word. Par exemple, clé. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de clé pour vous. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Bon, nous commençons. Numéro 1, taxi. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de taxi pour vous. Numéro 2, chambre. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de chambre pour vous. Et enfin... And finally... Et enfin, numéro 3, passeport. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de passeport pour vous.